Chapitre 18. Repentir de Joson Menou. Au Châtelet, dans la prison neuve, on était un peu mieux logé qu'à Bicêtre, mais c'était bien loin des splendeurs de la Bastille. J'eus un cachot de planches pour moi tout seul, le propre de la procédure tombée en désuétude qu'on avait exhumée pour moi était d'impliquer le secret. Toute ma colère était morte, autant que je puis me souvenir des premiers instants qui suivirent mon incarcération, j'étais plongé dans un affaissement profond qui ressemblait au sommeil. La première idée qui me vint fut un doute. Je crus que j'avais rêvé, surtout en me rappelant cette étrange circonstance, la bourse que Vivette m'avait jetée. Je me disais, tout cela est impossible. Si réellement j'avais vu ma chère Vivette, est-ce que je n'aurais pas tout quitté pour m'élancer vers elle? Assurément, il n'en aurait pu être autrement. Je n'aurais pas pu rester froid en face de ce grand événement. Était-il permis de penser que je n'aurais eu ni un mouvement, ni une parole devant la bien-aimée compagne de mon enfance, m'apparaissant ainsi à l'improviste? Que j'aurais vu sans protester cette main brutale qui la retirait en arrière? Que j'aurais continué de jouer? Que... Mais c'était justement la précision de ces détails invraisemblables qui m'éveillait peu à peu et forçait ma conviction. J'avais vu cela et j'avais fait cela. Quel homme étais-je donc à la fin? J'avais accepté de toutes mains, jouant toujours. On avait arrêté devant moi Catiche, cette pauvre chère fille à qui je devais tant, et c'est à peine si j'en avais ressenti un vague mouvement de colère. Elle m'avait dit en me quittant, et pour me dire cela, elle avait retrouvé son vaillant sourire. « Ne désespérez pas, chevalier, je vais travailler pour vous. »« Pour moi, toujours pour moi. » En vérité, je ne sais pas même si j'avais répondu. Je me faisais honte à moi-même et je me détestais. Une seule excuse pouvait être invoquée. Hermine, si folle que mon entreprise me parut maintenant, il est certain que je l'avais tentée pour conquérir Mademoiselle de Bois-le-Roi. Mais la pensée d'Hermine était un poids de plus parmi ceux qui m'écrasaient. Hermine se trouvait menacée, je le savais et je le sentais surtout. Il y avait autour d'elle de mystérieux dangers, et M. de Raguenel me l'avait dit, les murailles du couvent n'étaient plus assez hautes pour la protéger. Je me mis à marcher dans les ténèbres de ma cellule, dont les parois arrêtèrent mon troisième pas. J'allais comme un homme ivre. La conscience de mon impuissance montait et me submergeait. Il y eut un instant où je crus que mes sanglots allaient m'étouffer. Quand le jour vint, je pus mesurer mon misérable domaine. C'était une boîte sans fenêtre, dont les cloisons de planches s'arrêtaient à moitié chemin d'une haute voûte. En haut, un grillage de fer servait de clôture à ce parallélogramme. La lumière et l'air venaient par là. Cet aspect et les ronflements que j'avais entendus toute la nuit m'apprirent que ma cage faisait partie d'un système de cachots volants établi dans une très grande salle. C'était par le fait ce qu'on appelait la ruche du Châtelet, un aménagement provisoire datant du lieutenant criminel Tardieu et qui vivait longtemps comme tous les provisoires. La ruche occupait toute la galerie du bord de l'eau, en avant et au-dessous des caveaux de l'ancienne montre qui a été remplacée par la morgue. Vers 8 heures, un petit vieux m'apporta un pain et une cruche. Il me demanda si j'avais de l'argent. Mes poches étaient vides, mais mon frac avait une garniture de boutons d'agate cerclés d'or. J'en arrachai un. Le petit vieux lâcha un joyeux sapergoï et j'eus à déjeuner. Le petit vieux me dit qu'on n'avait pas brûlé de sorcier depuis longtemps et que beaucoup de gens regrettaient cela. Il avait l'air de partager ce goût. Il n'était pas méchant. Il me donna à manger et à boire pendant 6 jours, moyennant 2 de mes boutons par 24 heures. Car je restais là 7 longs jours, sans être éprouvé, comme on disait alors, ni interrogé d'aucune manière. Malgré mes instances, mon petit homme ne voulut jamais me donner ce qu'il fallait pour écrire. J'ai oublié de dire que, pendant ces quelques mois passés à Paris, je m'étais assez bien formé à la lecture et à l'écriture. Le 8e jour, je n'avais plus de boutons. Cependant, mon petit père nourricier m'apporta un pain blanc et une saucisse, avec un sequier de vin du roi. « Le roi régale !» me dit-il. C'est sa fête. Seulement, vous ne verrez pas le feu d'artifice, mon gaillard. » C'était en effet le 25 août 1772, jour de la Saint-Louis. Cette journée se passa comme les autres, bien triste et bien morne. À 3 heures de l'après-midi, mon petit homme revint avec une lettre. « Vous aurez du fricot pendant 2 semaines, » me dit-il. « Je suis payé. La dame est bien mignonne, ça pargoille. » Je songeais à Catiche et j'eus un peu de baume dans le cœur. Mais la lettre n'était pas de l'écriture de Catiche. On eût dit qu'elle avait été tracée par la main d'un petit enfant. Elle disait « Mon chéri de Gaston, j'ai été tout ce temps-là pour apprendre où il t'avait mis. Mon mari dit que c'est bien fait. J'ai été voir monsieur de Sartine, qui n'est pour rien dans ton cas. Je vais remuer ciel et terre. Je n'écris pas encore bien, mais c'est à toi ma première lettre. Je suis une marquise et monsieur Merlin aussi, c'est-à-dire un marquis, lui. Réponds-moi voir si tu aimes bien ta demoiselle de Bois-le-Roi. J'ai vu la comédienne, je t'embrasse, ta cousine Viviane. Post-scriptum, je ne sais pas si c'est péché, mais j'ai idée que nous nous marierons nous deux en seconde noce. Je ne vous parle pas de l'orthographe. Ah, comme je le baisais, ce cher papier. Le post-scriptum me fit rire, c'était si invraisemblable. J'étais à me demander comment je ferais pour répondre à ma petite Vivette quand un bruit de pas sonna lourdement dans le corridor et, en même temps, une voix bien connue fit tapage à travers la cloison. « Ventre bleu !» disait-elle. « Je ne mens pas, je suis de chez monsieur le duc, et faut être aimable avec moi, car d'homme de français, je n'ai point jamais vu de feu d'artifice, et je veux faire ma commission vitement pour aller retenir ma place à la fête du roi. »« C'est bon !» grondait mon guichetier, qui avait l'accent d'un fonctionnaire qu'on bouscule. La clé cria dans la serrure, et Joson parut, superbe sous la livrée d'aiguillon. Il avait son bon regard du temps où il me tenait encore pour vertueux, mais avant de venir à moi, il se tourna vers mon petit homme et lui dit avec autorité « Un breton et un galop, ça fait 2. Monsieur le duc n'est point de par chez nous, mais il a été gouverneur de Bretagne. Si vous saviez tant seulement de la part de qui je viens venant, ça vous mettrait plus bas que vos semelles. Allez-vous-en, j'ai affaire à monsieur le chevalier. » Le plus surprenant, c'est que l'autre obéit aussitôt. Joson s'élança vers moi les bras ouverts. Il avait en vérité la larme à l'œil. « Vous pouvez bien me laisser vous embrasser un petit, » me dit-il, « puisque je suis en train de faire ma fortune, comme monsieur Noël Menou, mon propre frère. Ce que je gagnerai, j'irai le manger chez nous. J'ai mes sabots tout de même au fond de mon armoire et mes bottes de vitré, que je n'en ai point vu à personne de si belle dans Paris. » Il y avait 8 jours maintenant que je n'avais vu âme qui vive. Je lui rendis son accolade à tour de bras et j'ouvrais la bouche pour l'interroger. Mais il se redressa tout d'un coup, disant « Je n'en ai point jamais vu, j'entends de feux d'artifice. Je veux une bonne place où on ne risque point d'accident d'être écrasé. » Puis, avec une volubilité pleine de repentir, mais aussi de reproches. « Fallait donc le dire que c'était pour épouser tous deux ensemble avec la demoiselle. N'y a point de mal à se fréquenter dans ce cas-là. Et si j'avais su que vous en aviez aussi, j'entends de la corde à monsieur le Gall, le pauvre chrétien, de profundis se libéra. En avait-il des mouches? Je ne vous aurais point affronté en tout, du tout, ni petit ni grand, pour la chose de jouer de l'argent le jour et la nuit. Ça n'est point péché de jouer de l'argent quand on est sûr de gagner. Des pardons et des excuses que je vous fais, monsieur le chevalier. Je suis bien fâché de mes fautes vis-à-vis de vous. Et quelle nouvelle m'apportes-tu, mon bon Joson ? Demandai-je. À cette question, ses yeux reprirent leur expression de ruse farouche. « Ce n'est point lui !» prononça-t-il avec solennité. « J'enlève la main. Lui qui ? Puisque je vous dis que non !» Je savais trop bien par cœur, mon brave Joson, pour insister. « Comme tu voudras, » murmurai-je. Un éclair madré s'alluma sous ses gros sourcils. « Aussi vrai comme Dieu est Dieu, » reprit-il, « on ne ment point chez nous. Je lui ai ouvert la porte bien des fois, les matins qu'il vient chez monsieur le duc. Pour être lui, je jure que non. Mais qui? Monsieur de Sartines, donc. Ah, fis-je imprudemment. Il prit un air de grande réserve. Vous me hacheriez au hachoir, s'écria-t-il, que je ne vous dirai point de mensonge, ni à point de plus vilain péché. Alors, il est tombé sur moi comme je sortais, et il m'a dit, disant, « Tu te trompes, ce n'est point moi, j'en suis un autre. Si tu as le malheur de me prendre pour moi, je te fourre dans un cachot pour le restant de tes jours. » J'ai répondu, « Fils de chien, je ne parle point de vous. Ne faites pas semblant de me tutoyer l'homme, car je ne vous ai jamais connu ni vu d'Ève ou d'Adam, c'est la vraie vérité. » Alors, il m'a souri avec une tape sous le menton, et il a fouillé dans sa pochette. Ici, Joson en fit autant. « Et il m'a donné votre petite boîte, » ajouta-t-il. « Mon médaillon ? » m'écriai-je en sautant sur mes pieds. « Avec la bague dedans, et il a dit que vous devriez jeter un coup de pied jusque là-bas, de vers le couvent des Feuillantines. » Je répétais ce mot avec un serrement de cœur, et je balbutiais. « Est-il arrivé quelque chose à mademoiselle de Bois-le-Roi ? » « Je ne sais point. Il a dit que plus tôt vous iriez, mieux ça vaudrait. »« Mais comment ? » interrompis-je. « Je suis prisonnier. »« Failli, merle ! C'est point vous. On ne peut pourtant pas tout dire d'une fois. J'aurais dû commencer par la chose que vous étiez libre, par quoi que vous avez été arrêté un petit peu pour de rire, et qu'on a crié par mal rapport à ça. » Monsieur le duc a dit à son papa, le maréchal s'entend, que des histoires de la sorte deviennent dangereuses par le temps qui court. Le maréchal répondait, « Si on ne peut plus batifoler en société, le monde est bien malade. » « Mais c'est égal, on va venir tout à l'heure vous flanquer dehors par les épaules. » « Et pourquoi monsieur de Sartines t'a-t-il parlé du couvent, garçon ?» Joson me regarda de travers. « Quoi que vous me chantez, vous, » fit-il sévèrement, « avec votre monsieur de Sartines, pas de moitié. » « C'est point lui, ah mais non, qu'il m'a dit comme ça en caressant la bague. Pato, ne faut point que le chevalier aille s'imaginer dans sa tête que je crois à toutes ces faribouilles de pendus et de bêtises. Je suis bien trop savant pour ça. Il a pourtant voulu voir mon bout de corde à moi, dont je m'étais confessé au monsieur prêtre de Laval. Il l'a tourné et retourné en chantant. C'est des bêtises, je t'en souhaite, avec le mien. » Quoique mon vicaire m'en avait pris la moitié, j'ai estropié tous les meilleurs gars de notre quartier en jouant pour m'amuser sans rancune. Qu'est-ce qu'il m'a donc dit encore, celui-là, qui n'est pas monsieur de Sartines ? Ah, que c'était monsieur le duc de Richelieu qui vous avait fait jouer la farce du médaillon par une coquine, la bonne amie Avie de Gousset. C'était pour se revenger des pistoles que vous lui aviez gagnées. Alors, monsieur de Sartines... « Oh, que non pas! Enfin, vous comprenez bien, le monsieur qui ne veut pas l'être a repincé la petite boîte et il l'a gardée 2 jours dans son giron pour voir si ça lui porterait bonheur. Brin, il n'en a eu que la colique. C'est drôle, ça dépend des lunes, qu'il dit, et du tempérament. » Il se gratta le front. « Il y avait autre chose, » murmura-t-il. « Mais, dame, je m'ai déjà souvenu de beaucoup, voyons. » Votre ancien apôtre Saint-Pierre est aussi là-dedans, toujours pour la demoiselle de Vitré. Monsieur de Sartines, eh bien oui quoi, c'était lui, vous n'irez pas le chanter à la cathédrale. Monsieur de Sartines veut mettre la main dessus pour affaire de son état. Il pense bien que vous lui donnerez un coup d'épaule. V'là l'avorton qui vient ouvrir la cage. Chut! C'était vrai. Mon petit homme annoncé par le formidable bruit de sa ferraille entra suivi de 2 plumitifs, et mon écrou fut levé dans les formes. « Tout de même, je me suis trompé, » grommela le bonhomme avec mauvaise humeur. « Si vous voulez, vous verrez brûler le feu d'artifice. » Ce malheureux mot mit le diable au corps de Joson, qui m'entraîna au pas de course dans les corridors. C'est à peine si le jour commençait à baisser, mais son ambition était d'arriver le premier pour n'avoir personne devant lui. Il me quitta au seuil de la conciergerie du Châtelet. « J'ai tantôt mes 30 ans, » me dit-il, « et je n'en ai point jamais vu, j'entends de feux d'artifice. Si c'est que vous auriez besoin de moi, venez m'y chercher, monsieur le chevalier. Vous crierez mon nom et houpé !» Il prit ses jambes à son cou le long du quai de la ferraille, où déjà quelques lampions se montraient. Mais il s'arrêta brusquement au bout de quelques pas et revint toujours courant. « Je ne mens pas !» me dit-il. « J'allais oublier le principal. Il a barbouillé, vous savez bien de qui je parle, un mot décrit pour vous sur un bout de papier. Et le v'là !» Je pris le pli qu'il me tendait et qui ne contenait que 3 lignes sans signature. Elles étaient ainsi conçues. Mademoiselle de Bois-le-Roi est sérieusement menacée. Présentez-vous à la poterne du chemin du Val-de-Grâce et dites votre nom. Si vous avez pour moi quelque reconnaissance, n'usez de votre épée qu'à la dernière extrémité. Il m'importe que le bandit soit pris vivant. Hâtez-vous !»